Talita Kumi, ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Tous furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose et demanda qu'on donnât à manger à la jeune fille.